quatrième et dernier temps d'une série d'émissions consacrées à l'invention d'un État, Israël. Aujourd'hui, nous revenons sur 40 ans de processus, un processus qui aurait pu, qui aurait dû peut-être conduire à la paix. Dans ce débat du jeudi, nous allons nous intéresser à une histoire de 40 années, celle que l'on nomme un processus, celle d'une histoire qu'on appelle le processus de paix au Proche-Orient, comme une formule instituée et gravée dans le marbre. Du voyage de Sadat à Jérusalem jusqu'à l'échec des négociations de Camp David II, nous allons tenter de suivre les méandres de ce chemin vers la paix toujours introuvable, avec Anaïs Quin, qui donc a préparé toute cette série d'émissions et qui co-animera cette émission avec nous, et Jean-Claude Lescurie, il est professeur d'histoire contemporaine à l'université de Cergy-Pontoise et auteur récent chez Talendier, ça vient tout juste de sortir, du conflit israélo-palestinien en 100 questions. Avec nous au téléphone, Denis Charby, maître de conférence en sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël, auteur d'Israël et ses paradoxes aux éditions du Cavalier Bleu, et ainsi que Frédéric Chillot, historienne spécialiste des relations entre la France et Israël, qui participera d'ailleurs à la rentrée à un livre collectif chez Bouquin Robert Laffont consacré à la ville de Jérusalem. This final conclusion of a peace treaty will be completed late in December, and it would be a wonderful Christmas present. And I would like to say, as a Christian, to these two friends of mine, the words of Jesus, blessed are the peacemakers, for they shall be the children of God. Je vous résume en quelques mots ce que dit le président américain. Aujourd'hui, c'est un véritable cadeau de Noël. Nous avons le privilège de vivre un très rare et très grand moment de l'histoire humaine. Une véritable voie vers la paix a été trouvée, et cela grâce à de très grands leaders, sous-entendu Begin et Sadat, bien sûr. Et le président Carter conclut, nous avons trouvé ensemble le chemin vers une paix définitive. 1. Les soldats israéliens devraient bientôt quitter le Sinaï, mais il y aura encore des troupes israéliennes en Cisjordanie, même si elles sont moins nombreuses. 2. Autonomie pour les Palestiniens de la rive ouest du Jourdain. 3. Israël accepte enfin d'entendre parler de la résolution 242 des Nations Unies, le fameux passage, vous savez, qui concerne les droits légitimes du peuple palestinien. Et puis, 4e point, les Palestiniens auront leur mot à dire dans les prochaines négociations, y compris sur les frontières. Ils auront un droit de veto au moment de signer l'accord définitif sur le statut de la Cisjordanie et la bande de Gaza. Voilà donc pour cette première archive de cette émission consacrée à l'histoire du processus de paix. Elle date du 17 septembre 1978. C'est le président américain Jimmy Carter, qui était un baptiste, il faut le rappeler, il cite beaucoup Jésus dans cette allocution, qui s'adresse au Congrès américain, et la traduction a été faite par le journaliste Alain Bédoué de France Inter pour des actualités du 19 septembre 1978. Bonjour Anaïs Quin. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Bonjour à vous Jean-Claude Lescure. Bonjour Emmanuel. Merci d'être avec nous et bonjour à vous. Frédéric Chillot, vous êtes au téléphone avec nous? Nous n'avons pas Frédéric Chillot. Oui, je vous entends. Ouais, bonjour à vous donc Frédéric Chillot, ainsi que à vous Denis Charby. Nous allons vous donner la parole en premier parce que vous partez en cours assez rapidement au milieu de cette émission. Alors, cette archive de 1978 nous replonge dans cette histoire un peu surprenante qui est effectivement Sadat et Begin qui entament un processus qui sera ce qu'on appelle aujourd'hui le processus de paix, même s'il est bien entamé et bien abîmé aujourd'hui, ce processus de paix, il l'entame donc aux alentours de 1977. Quelles sont les conditions nécessaires, selon vous, Denis Charby, pour que ce processus se mette en place à ce moment-là? Je dirais que c'est l'option qui a été choisie par Anwar Sadat. Il est incontestable qu'il joue ici un rôle majeur. Il comprend, après la guerre de Kippour, puisqu'il a pris l'initiative de la guerre de Kippour, il ne l'a pas gagnée militairement, mais il l'a gagnée, je dirais, au sein de son peuple et au sein du monde arabe. Et il a choisi l'orientation américaine. Il a renvoyé les conseillers soviétiques et il sait bien que s'il veut rentrer dans le giron américain, tôt ou tard, il doit faire la paix avec Israël. Il comprend surtout également que Israël disposant d'une arme nucléaire, toute possibilité de gagner une guerre conventionnelle n'aboutira pas à l'effet escompté. Et donc, dans ce contexte-là, il décide de récupérer le Sinaï, puisque, après tout, les gouvernements israéliens qui se sont succédés depuis 67 jusqu'à 1977 ont laissé entendre qu'ils étaient prêts à négocier un retrait israélien du Sinaï. Et en 1976, donc un an avant, il y a déjà un retrait partiel que Yitzhak Rabin, c'était son premier gouvernement, avait déjà signé. La grande surprise, ou je dirais le grand obstacle, c'est qu'en mai 1977, nous avons des élections générales en Israël et qu'elle porte au pouvoir pour la première fois depuis qu'il y a des élections en Israël, depuis 1949, la droite nationaliste dirigée par le chef historique de ce mouvement-là, Menachem Begin. Et là, malgré tout, ça va marcher. Et oui, parce que effectivement, les craintes, c'était que Menachem Begin interrompe ce début de processus de paix anaïskien. Oui, Denis Charby, peut-être qu'il faut, pour resituer ce moment, cette négociation, rappeler que c'est la fin de cette ligue arabe face à Israël, puisque l'Égypte va passer un accord bilatéral, sans ses alliés, sans la Jordanie, sans la Syrie, avec Israël. Alors c'est vrai, vous avez tout à fait raison de mentionner le grand point fondamental sur lequel la Ligue arabe, les membres de la Ligue arabe s'étaient entendus depuis la fondation de 1945, c'est qu'on ne fait pas de traité séparé avec Israël. Et il est vrai que même si Sadat va essayer de justifier, de donner un peu de lest sur le volet palestinien, globalement, c'est effectivement une paix séparée qu'il va signer en 1978 Camp David et en 79, ce sera la cérémonie à Washington. Donc c'est vrai que au final, ce sont les intérêts de la nation égyptienne qui l'ont emporté sur, je dirais, les intérêts globaux de la nation arabe, dont Sadat ne voyait plus, ne comprenait plus comment il pourrait être réalisé, puisque pour lui, toute guerre conventionnelle ne pourrait pas arriver, aboutir à la destruction d'Israël ou au retrait israélien. Et c'est ce doute-là sur les capacités arabes de gagner la guerre, puisqu'il l'a fait dans les meilleures conditions, la guerre du Kippour, qui le conduit finalement à récupérer le territoire qui est sous souveraineté égyptienne, mais qui est passé entre les mains d'Israël en 67. Le Sinaï. Mmh. Alors il y a tout de même un point particulier, Jean-Claude Lescure, c'est que les Palestiniens ne sont pas présents dans cette négociation et que c'est une négociation entre deux États, donc qui sont voisins, Israël et l'Égypte, mais qu'il n'y a pas encore de présence palestinienne, même s'il y a des promesses de les faire intervenir plus tard. Il y a des invitations tard. Surtout. Il y a des invitations, il y a des membres dans la délégation, un peu en off du côté de Sadat, qui sont des courroies de transmission avec les Palestiniens, mais les Palestiniens n'ont pas d'entité politique qui permette de les représenter à l'échelon international. L'OLP, en 1974, a eu une reconnaissance à l'ONU avec l'invitation qui avait été donnée à son raïs. Mais c'est pas un interlocuteur valable. Israël ne discute pas officiellement avec eux. Ils sont considérés comme une organisation terroriste. Bon, donc là, la porte, elle est fermée officiellement. Côté égyptien, bien Sadat face aux Palestiniens va faire toute une série de déclarations, 77, 78, 79, mais on est dans le déclaratif, une fois encore, des chefs d'État arabes à l'endroit des Palestiniens, on est dans des promesses, mais en aucun cas dans des mesures qui sont suivies des faits, et du même coup, les Palestiniens sont aussi les grands oubliés ou abandonnés du processus à ce moment-là. Anaïs Kien. Et on s'achemine à ce moment-là, Jean-Claude Lescure, vers la constitution d'un conflit proprement israélo-palestinien. C'est le début de ce délitement des soutiens arabes consensuels entre eux, en tout cas, sur cette question. C'est le face-à-face israélo-palestinien, à ce moment-là, il n'est pas encore constitué. On est dans une période de guerre froide, les organisations palestiniennes sont multiples, sont divisées, même si l'OLP sert de chapeau commun depuis 69. Mais vous avez des organisations, les unes sont soutenues en étant proches de la Syrie, par l'Union soviétique, les autres sont soutenues par d'autres voisins. Bref, on a un jeu de guerre froide à l'intérieur des organisations palestiniennes qui joue un rôle important. À partir de 77, effectivement, le face-à-face avec Israël va se renforcer. Mais il ne faut pas oublier que depuis le début des années 60, il y a des mouvements de contestation des Arabes israéliens. Il y a eu le mouvement Al-Ard, donc des marches sur la terre, de revendication de la terre, qui ont été réprimés par l'armée israélienne sur le territoire d'Israël. Et puis à partir de 65, vous avez les premières opérations militaires menées par le Fatah contre Israël, avec des intrusions, des attentats, des combats, etc. Donc on est dans une atmosphère de guerre à proprement parler, déjà, entre l'État israélien et les organisations palestiniennes. Denis Charby, ce terme de processus de paix qui est maintenant institutionnalisé, je disais tout à l'heure, il est concaténé, on pourrait dire qu'on ne peut plus séparer ces trois mots, tellement ils ont été redits dans le monde entier depuis maintenant 40 ans. Il est utilisé au moment de ce moment de 1978 où ça n'est pas encore institutionnalisé comme tel? Non, il n'existe pas encore comme tel. C'est pas un processus, c'est un traité de paix qui est recherché et qui sera obtenu. Et donc, alors c'est vrai qu'il y a le volet palestinien et ça va donner lieu d'ailleurs à un projet d'autonomie. Mais le Likoud et Menachem Begin n'entendent pas concrétiser réellement. D'autant que d'ailleurs l'OLP s'y oppose également. Mais non, c'est pas encore un processus de paix. Mais ce qui est vrai, et ça, je crois que c'est un point essentiel à dégager, c'est que le retrait de l'Égypte du conflit, en gros, met fin au conflit israélo-arabe pour faire naître ce nouveau conflit qui va être le conflit israélo-palestinien. Alors attention, je ne dis pas qu'après l'Égypte, la Syrie va suivre et le Liban et même la Jordanie, mais il est très clair qu'une fois que vous avez retiré l'Égypte du conflit, plus aucun État arabe n'est en mesure, n'a les épaules suffisamment solides pour pouvoir attaquer Israël. Et de fait, d'ailleurs, depuis 1973, il n'y a jamais eu aucune armée régulière d'un État régulier qui a attaqué Israël, si ce n'est l'exception de Saddam Hussein avec les missiles Scott, mais c'était pas une guerre conventionnelle de type classique. Et donc, en ce sens, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le même Menachem Begin, qui n'était pas favorable initialement au retrait du Sinaï, au démantèlement des implantations qui avaient déjà été établies dans Sinaï, finalement comprend l'enjeu stratégique énorme. On retire l'Égypte de la guerre, le conflit est terminé. Qu'est-ce qu'on aura à la place? Eh bien, effectivement, là, on parlera plus, on parlera de moins en moins du conflit israélo-arabe, puisque tel il était un conflit interétatique, et de plus en plus, on va s'acheminer vers une guerre, un conflit israélo-palestinien, et cinq ans après, la première guerre du Liban, en 1982, va manifester cette mutation du conflit au Moyen-Orient. Frédéric Chilot, vous avez travaillé pour un livre fort intéressant sur la guerre du Kippour, en particulier. Cette guerre du Kippour qui a vu donc cet affrontement entre des États arabes pour la dernière fois et Israël, est-ce qu'elle pèse justement dans l'imaginaire, pourrait-on dire, sur ce processus qui va se mettre en place, ce processus de paix qui n'est encore, comme vient de le dire Denis Charby, qu'un traité de paix entre deux États? Oui, la guerre du Kippour a vraiment été un traumatisme en Israël. Israël a été surpris un jour sacré, le jour de la fête de Kippour, le jour le plus sacré, et il a été complètement déstabilisé. Et c'est ce qui explique qu'ensuite, effectivement, Israël concède, après la guerre, qu'il a finalement réussi à remporter par un retournement de situation assez extraordinaire, c'est ce qui explique qu'Israël finalement concède aux demandes de Sadat, qui sont peu ou prou les mêmes qu'il faisait avant la guerre du Kippour. Alors, c'est la guerre du Kippour qui va rester comme un traumatisme dans l'esprit israélien, de l'opinion publique israélienne, mais surtout, le traité de paix séparé avec l'Égypte va servir de modèle, et il va rester comme un modèle pour faire la paix avec les Palestiniens. Pourquoi? Parce que pour les Israéliens, cet accord de paix séparé, je ne crois pas qu'Israël en ait fini avec les guerres arabes, et ils ne le pensent pas. Et Israël souhaite un accord de paix séparé avec la Jordanie, et même ensuite, Rabin songera à une option syrienne, on pourra en reparler. Pourquoi Israël veut un accord de paix séparé? Parce que c'est l'occasion de résoudre les conflits avec ses voisins, qui sont des armées puissantes, autrement plus menaçants d'ailleurs que les Palestiniens. C'est aussi une façon de contourner l'OLP. L'OLP qui pourtant a été reconnue en octobre 1974, après au sommet de la Ligue arabe de Rabat, comme le seul légitime à représenter les Palestiniens. Mais Israël se refuse à discuter avec les Palestiniens. Il est même dans la loi, il est interdit aux représentants israéliens de rencontrer des Palestiniens. Et donc, un accord de paix séparé permet de contourner le problème en imaginant, par exemple, une délégation palestino-jordanienne. Mmh. Et puis, pour les Américains, cet accord de paix séparé, qui est une grande victoire de la Pax Americana avec l'Égypte, eh bien, est une façon aussi de refuser le multilatéralisme, puisque nous sommes en une époque de guerre froide. Il s'agit de ne pas laisser Moscou s'insérer dans le jeu régional. Et Moscou, qui est le principal allié, non seulement des États arabes, mais aussi de l'OLP encore. Anaïs Kien. Oui, mais c'est exactement là que je voulais en venir, justement. C'est aussi une défaite, d'une certaine façon, de l'Union soviétique dans cette région du monde, en cette fin des années 70. On peut s'interroger de savoir pourquoi ce sont les États-Unis qui arrivent à rassembler ceux qui vont négocier, ceux qui vont réussir à signer ce traité. Frédéric Chilot. Oui. Le traité avec l'Égypte, vous voulez dire ? Oui. Les Américains sont vraiment installés comme les médiateurs, et c'est la réussite et le talent de Kissinger d'avoir été aussi un médiateur en instaurant cette diplomatie des petits pas dans les capitales arabes et puis auprès d'Israël. Il réussit à obtenir la confiance de tous. Et surtout de ne pas être rejeté par les Arabes, parce que du fait de sa proximité avec les Israéliens au début, il pouvait paraître un médiateur qui n'était pas neutre. Mm-hmm. Et cette stratégie des petits pas va aussi s'établir comme un modèle de diplomatie ensuite dans les relations avec les Arabes et aussi dans le processus de paix avec les Palestiniens. Moscou cède face à la puissance américaine, et oui, le fait que Sadat se soit tourné vers Washington va totalement changer la face du Proche-Orient, parce que effectivement c'est vraiment la Pax Americana qui reste jusqu'à aujourd'hui, même si aujourd'hui les États-Unis sont un peu moins considérés comme un médiateur. Denis Charvy, sur ce point. Oui, je voulais dire que la situation est en fait un peu plus compliquée que cela, car en septembre 1977, donc, vous voyez, 2 mois avant la venue de Sadat en Israël, il y a une rencontre américano-soviétique. Ça fait très peur à Begin, ça fait peur à Sadat. Et en fait, l'initiative de Sadat, elle surprend les Américains. Et c'est pour ça qu'Israël s'y engage. Mais qu'est-ce qui va se passer? Au bout de quelques mois de négociations entre 77 et 78, on se rend compte, les deux partenaires égyptiens et israéliens se rendent compte qu'ils ne sont pas en mesure, ils n'arrivent pas à finalement extraire, à produire cette accord-là, et c'est alors que Jimmy Carter et Brzezinski entrent en ligne de compte, et c'est le sommet de Camp David, et là, il les réunit tous, donc dans sa ville à Camp David. Clinton va essayer de faire la même chose en 2000, mais il ne va pas réussir avec Ehud Barak et Yasser Arafat, et là, effectivement, la diplomatie américaine, qui n'est plus celle des petits pas, mais qui consiste justement à traiter de tout le dossier et de créer une atmosphère comme ça, très, une thébaïde fermée sur elle-même, d'où va sortir effectivement la fumée blanche de la paix de Camp David en septembre 1978. Oui, alors ce qui est très important et très intéressant qu'il faut dire, Jean-Claude Lescure, c'est que évidemment ce processus va être interrompu avec la mort de Sadat, l'assassinat de Sadat donc en 1981, et que on voit bien quand même que ces porteurs de paix, on parlera plus tard évidemment d'Yitzhak Rabin, sont généralement des gens qui ont des durées de vie plus brèves que les autres, en l'occurrence on pourrait dire, parce que c'est vrai qu'ils sont assassinés, et d'autres leaders qui veulent la paix avec Israël, des leaders palestiniens, sont régulièrement assassinés, en particulier par le groupe Abu Nidal. On a effectivement... l'attentat politique est une des données de toute l'histoire de la région. Mais je voudrais ajouter un point sur la Pax Americana. Il faut avoir en tête que les accords de 77 jusqu'à aujourd'hui sont accompagnés d'accords financiers des deux côtés, de versements de milliards de dollars vers l'Égypte et vers Israël. Et même en 2011, lorsque l'Égypte connaît des difficultés importantes, la manne américaine va continuer. Et cet aspect financier, il est très important dans le processus de développement envisagé par Sadat, qui a affaire, et c'est pas rien, et ça répond en partie à votre question, à une croissance démographique extrêmement importante, à des transformations sociales très fortes à l'intérieur de l'Égypte. Et l'enjeu pour pouvoir maintenir aussi son pouvoir et pour pouvoir maintenir un État qui soit digne d'un développement, c'est d'amener la paix. Il a besoin de réorienter aussi ses capitaux militaires vers de l'interne. Or, l'un des éléments clés auxquels ils ont affaire depuis longtemps en Égypte, c'est la question des frères musulmans, c'est la question de l'islamisme radical. Et depuis 52, 53, vous avez régulièrement des répressions gouvernementales à l'encontre des frères musulmans. Et c'est un des militants du mouvement islamiste qui, en 81, assassine justement Sadat. Et cette emprise religieuse extrême des frères joue un rôle jusqu'à aujourd'hui dans cette société égyptienne. Et on le revoit encore sur un élément, c'est les organisations palestiniennes proches et la question de la reconnaissance d'Israël. L'OLP ne va reconnaître Israël qu'en 88, le Hamas par une déclaration simplement en juin 2017. Donc on a vraiment des éléments, la clé, pour trouver un interlocuteur valable. Anaïs Kien. Oui, justement, Denis Charby, il y a toute une histoire. Avant 1988 et la reconnaissance par Yasser Arafat d'Israël, dans un premier temps d'ailleurs de manière secrète, hein, il y a toute une histoire de la constitution d'un interlocuteur palestinien face à Israël. Denis Charby. Oui, effectivement. Alors, déjà en 1976, le gouvernement Rabin à l'époque entérine une résolution qui a été concoctée par deux députés de gauche, ce qu'on appelle la formule Yarim Shem Tov, consistant à dire que on ne peut reconnaître l'OLP que si l'OLP abandonne le terrorisme et reconnaît l'État d'Israël. Et ça, et ce document est important non pas simplement comme message adressé à la aux Palestiniens, mais surtout aux Américains, c'est-à-dire que les Américains acceptent bien cette résolution-là, c'est-à-dire qu'on ne reconnaîtra pas l'OLP tant qu'il n'a pas reconnu l'État d'Israël et tant qu'il n'a pas abandonné le terrorisme. Alors, il va y avoir des conversations secrètes, alors pas avec le gouvernement, mais avec des grandes figures mythiques de la gauche israélienne, présidées notamment par Pierre Mendès-France dans les années 1975-1976. Et puis, en fait, je dirais que là, le vrai... Alors, il va y avoir effectivement cette crispation dans les années 80. C'est toujours le Likoud qui est au pouvoir en disant il faut pas rencontrer des Palestiniens, on peut passer en prison si on le fait, etc. Mais je crois que là, le vrai déclencheur, ce sera la première intifada. L'intifada, par son caractère populaire, par son caractère non terroriste, on jetait des pierres, mais c'était pas des, ou des cocktails Molotov, mais c'était pas des attentats, suicides, etc. Eh bien, de ce fait, l'intifada va provoquer chez Yitzhak Rabin, qui est ministre de la Défense à ce moment-là, une prise de conscience, et je dirais qui est entérinée par le gouvernement, y compris Yitzhak Shamir, qui est pourtant du Likoud, lorsqu'ils comprennent et lorsqu'ils publient une première déclaration consistant à dire que, concernant le statut de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, les Palestiniens doivent y participer. Mmh. Et cette idée que les Palestiniens doivent participer, c'est ça qui va finalement être la première pierre qui va conduire ensuite au processus d'Oslo, 4 années plus tard, en 1993. Merci beaucoup, Denis Charby. Vous devez partir en cours. Nous vous laissons donc rejoindre vos étudiants. Merci beaucoup. Et puisque vous évoquez les accords d'Oslo, voici une archive du 13 septembre 1993. Yitzhak Rabin, hésitant, n'a pu refuser cette main tendue par Yasser Arafat. Comme prévu, la déclaration de principe sur l'autonomie intermédiaire de 5 ans a donc été signée par Shimon Peres et Abou Mazen, le chef du département des affaires internationales de l'OLP. L'accord entre en vigueur dans un mois, retrait des forces israéliennes de Gaza et de Jéricho dans 4 mois, transfert des pouvoirs aux Palestiniens, puis élection directe d'un conseil de l'autonomie sous 10 mois. Signature et émotion quand Yitzhak Rabin puis Yasser Arafat ont pris la parole. Nous qui sommes venus d'une terre où ce sont les parents qui enterrent leurs enfants. Nous qui nous sommes battus contre vous, les Palestiniens. Nous vous disons aujourd'hui, d'une voix forte et claire, assez de sang et assez de larmes. Assez. La bataille pour la paix est la plus difficile de notre vie. Elle mérite nos efforts les plus soutenus parce que la terre de la paix aspire à une paix juste et globale. Et comme si le geste était désormais devenu banal, Yasser Arafat est allé une nouvelle fois chercher la main d'Yitzhak Rabin. 1h15 de cérémonie historique où chacun a rappelé que la construction de la paix sera difficile, encore plus difficile qu'une signature et une poignée de main. Une archive du journal de France 3, le 13 septembre 1993, à propos de ces accords dits accords d'Oslo. Frédéric Chilot, on a évoqué tout à l'heure que le début d'un processus de paix était parti entre États, pourrait-on dire, entre deux États, avec l'espoir que d'autres États pourraient signer la paix avec Israël. Là, c'est autre chose qui se passe en 1993. Oui, mais alors, beaucoup de choses ont changé quand même depuis le déclenchement de l'intifada. D'abord, l'OLP, oui, est venu au premier rang. La guerre, l'intifada, en fait, a changé la nature aussi, parce qu'on peut dire que c'est la première expression du nationalisme palestinien, non plus panarabe, non plus lié à la Jordanie, mais véritablement palestinien. Et cette violence a créé, en fait, les conditions de la paix, un petit peu comme la guerre du Kippour avait un peu renversé les équilibres régionaux et créé des conditions pour le dialogue. Mmh. Il faut dire aussi qu'entre-temps, il y a eu des événements internationaux qui, sans doute, ont contribué à tout cela. C'est d'abord la fin de la guerre froide. Bien sûr. Et l'OLP qui a perdu le soutien de Moscou, Israël qui s'est renforcé d'abord avec une immigration russe énorme, mais cette immigration avait un coût. Donc Israël avait aussi besoin des Américains, besoin de cette médiation. Et idéologiquement, pour l'opinion israélienne, il n'y avait plus vraiment de raison à s'opposer à un dialogue avec l'OLP. En tout cas, ça n'était plus pour des raisons idéologiques de guerre froide, d'affrontement entre les blocs. Et puis, entre-temps, il y a également la guerre du Golfe et la victoire américaine qui fait que la Jordanie, qui avait soutenu Saddam pendant la guerre du Golfe, ensuite a été obligée, s'est sentie obligée d'engager un dialogue multilatéral. Et les autres États également, les États arabes divisés, se sont réunis à la conférence de Madrid en 91. Et c'est de là, c'est pendant ce dialogue multilatéral à la conférence de Madrid en 91 que naît en fait le dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Mmh. Et de façon très curieuse et paradoxale, la conférence de Madrid donc en 91 va déboucher après sur Oslo. Mais finalement, ça se fait via une diplomatie tout à fait traditionnelle, tout à fait opaque. C'est celle des back channels. C'est celle de Qu'est-ce qu'on appelle les back channels secret. C'est celle de la diplomatie du secret, en fait. C'est une diplomatie qui est toujours officieuse. Les rencontres ne sont pas publiques. C'est tout l'esprit d'Oslo. Ce sont des rencontres directes, d'ailleurs avec un attachement personnel entre les émissaires. Et puis, avec l'aide de la Norvège. Mais tout cela est secret et surgit au dernier moment. Mmh. Donc, on est vraiment dans une diplomatie à l'ancienne, qui n'est pas celle du dialogue multilatéral devant les caméras. Jean-Claude Lescure. Alors, on a en plus, juste avant 89, un accord de paix entre Israël et la Jordanie. Et la levée de l'option jordanienne sur la Cisjordanie, qui, du même coup, renvoie la Cisjordanie aux habitants et, entre autres, aux Palestiniens. Et côté palestinien, c'est quand même un élément important. 82, Denis Charbit l'a évoqué, c'est la guerre du Liban. La menace pour Israël de l'OLP s'est achevée avec cette guerre. L'OLP est maintenant réfugié à Tunis, donc c'est vraiment des Palestiniens de l'extérieur. Et vous avez une dynamique liée aux Palestiniens de l'intérieur, et notamment de Cisjordanie, beaucoup moins de Gaza, parce que les données du problème sont différentes, qui s'enclenchent. Et l'intifada, la première intifada, c'est véritablement une mobilisation là du peuple palestinien avec un esprit national, une revendication. Mais pour la première fois, l'initiative, elle vient de l'intérieur. Elle ne vient plus de l'extérieur. Mmh. Et du même coup, on rentre dans ce processus de 93. Anaïs Kien. Bah justement, peut-être qu'on peut faire un petit point. Lorsqu'on arrive en 93, on se souvient peut-être aussi de l'émotion quand même, du grand espoir généré par ces images vues à la télévision. La surprise aussi, peut-être, parce qu'effectivement, c'est cette diplomatie secrète d'ancienne école, comme le disait Frédéric Chilot, ne permettait pas forcément d'imaginer que cela irait si vite, ou en tout cas que ces symboles émergeraient si vite, cette poignée de main. Mais qu'en est-il des sociétés civiles à ce moment-là, Jean-Claude Lescure? C'est-à-dire que là, vous venez de parler du côté palestinien, mais du côté israélien, l'accord n'est pas si bien reçu que ça. Non. En 93, vous avez tout de même un vif soulagement dans la société israélienne. En même temps, on se pose la question territoriale, la question de la définition des frontières, parce que les portes sont encore ouvertes. Hein. C'est un accord intérimaire, donc qui doit être suivi par d'autres négociations qui doivent s'échelonner. La question des frontières, elle est absolument absolument pas réglée. Quelle frontière pour l'État d'Israël ? La question, elle est toujours pendante. D'autre part, dans ces sociétés civiles, vous avez une opposition importante, et Rabin va le payer cher, là, c'est des oppositions du sionisme religieux, et Denis Charbit, qui en est un des spécialistes, aurait pu nous évoquer cette question-là, c'est-à-dire qu'il y a une mutation à l'intérieur d'Israël entre les différentes formes de sionisme, et l'un d'entre eux, qui était quand même peu important jusqu'aux années 70, prend de l'importance avec ce sionisme religieux, qui comporte une dimension messianique et du même coup qui s'oppose véritablement à toute forme de négociation avec des Palestiniens ou des Arabes israéliens. Mais qui n'est pas majoritaire pour autant. Non, qui est totalement, mais qui est activiste et c'est pour la première fois quand même l'assassinat de Rabin, il est commis par un juif israélien et on rentre là dans une nouvelle donne. Ça s'était pas fait depuis l'invention de l'État d'Israël. 4 novembre 1995. Trois balles, une dans la poitrine, une dans le ventre et une dans la colonne vertébrale. À 21h50, le premier ministre israélien Yitzhak Rabin s'écroule en descendant de la tribune dressée sur la place des rois d'Israël à Tel Aviv. Devant 100 000 personnes, il vient de prononcer son dernier discours plein d'espoir sur la paix. Quelques minutes seulement avant le meurtre, Yitzhak Rabin avait souligné « Le peuple veut la paix et s'oppose à la violence, car c'est la violence qui mine les fondements de la démocratie israélienne ». L'assassin d'Yitzhak Rabin est un jeune étudiant israélien de 27 ans, Yigal Amir. Connu de la police, il avait participé à des actions commando avec des colons juifs extrémistes et il est soupçonné d'avoir par deux fois déjà tenté d'assassiner le Premier ministre. Il a été immédiatement arrêté et dit avoir agi seul. Mais depuis plusieurs mois, le Premier ministre se savait menacé par ces extrémistes de droite militant contre le processus de paix. Le coup est donc venu de l'intérieur d'Israël. Une archive du 5 novembre 1995 évoquant l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Frédéric Chilo, on voit bien combien ce processus est fragile, a du mal à s'installer, qu'il s'installe progressivement, mais que évidemment il a des effets aussi sur les secteurs des sociétés, que ce soit la société israélienne ou la société palestinienne, des effets de durcissement parfois, là en l'occurrence pour le cas de l'assassinat de Rabin, mais également avec la création d'autres organisations que les organisations qui négocient avec l'État d'Israël et en particulier avec la création du Hamas du côté palestinien, Frédéric Chilo. Oui, en fait, le Hamas, c'est un organisme qui est né dès la première Intifada. Oui. Et ce fait religieux, finalement, il est apparu en 87. Le premier tract pendant la première Intifada, il a été signé du djihad islamique. Et le second tract, quelques jours après le 9 décembre, quand éclate l'intifada, eh bien, il est signé d'un nouveau groupe que personne ne connaît, et oui, qui est le Hamas, et dont la vocation est de rayer Israël de la carte, qui a une vision eschatologique. Hein. Alors, évidemment, la société israélienne se divise. Rabin, aujourd'hui, reste comme une figure, un modèle de ce que Israël avait réussi à accomplir, c'est-à-dire de la guerre au processus de paix. Yitzhak Rabin, c'est quand même celui qui disait au début de l'intifada, il faut leur briser les os en parlant des Palestiniens. Et donc oui, c'est lui qui ensuite, sur la pelouse de la Maison Blanche, ensuite va tenir la main de Yasser Arafat, ce pas en avant était incarné dans la figure même de Rabin. Mais malgré tout, il y a l'euphorie d'Oslo, mais il ne faut pas oublier qu'elle est déjà atteinte dès 1994, avec le premier attentat suicide en Israël. Et donc, on a un souvenir glorieux de Rabin et d'Oslo, du processus de paix, des accords de septembre 93, mais ils sont déjà très vite entachés et les divisions naissent très vite dans la société israélienne. Anaïs Quin. Oui, peut-être Jean-Claude Lescure, où était la fragilité de cet accord? J'imagine qu'il y en a un certain nombre, bien sûr, mais on est étonné de voir à quel point... très peu de temps après, on se dit tout ça pour ça, finalement. Il y a beaucoup de choses dans les ambiguïtés des traités qui sont passés. Il y a des ambiguïtés sur les termes utilisés. Le terme « droit au retour » des Palestiniens, dès 1948-49, il est utilisé par la communauté internationale et les résolutions de l'ONU. Mais le texte précise droit au retour ou légitime indemnité. Donc c'est une lecture d'importance. Oui. Il y a une alternative. Résolution 242, elle est rédigée en français et en anglais, et on a un écart dans les variantes. Hein. En français, c'est retrait des territoires, donc on sous-entend de tous les territoires. En anglais, c'est some territories, donc retrait de quelques-uns. Donc là, la diplomatie internationale, elle a bien joué. Et du même coup, chacun a raison en se référant à l'application de 242, mais il se réfère pas au même sens des termes. Et même chose sur l'application du droit au retour. 93, il y a une application du droit au retour pour les Palestiniens. Mais quels sont ceux qui en profitent? C'est les leaders de l'OLP. Pour la première fois, Yasser Arafat revient s'installer en Cisjordanie. Donc côté de la diplomatie, on peut dire que ça a été fait. Il y a eu un droit au retour symboliquement, pour une partie. En tout cas. Symboliquement, mais auprès de ceux qui avaient été les adversaires les plus résolus de l'État d'Israël. Et ensuite, de se dire que, eh bien, ça serait une légitime indemnité qui pourrait s'appliquer. Donc, vous voyez, ces ambiguïtés permanentes permettent la diplomatie des petits pas, c'est vrai, mais en même temps, en termes de communication publique, en termes de médiatisation des choses, ça crée un brouillard, et puis, pour les opinions, on a toujours l'impression, en fait, que tel ou tel point du traité n'est absolument pas respecté. Et en même temps, c'est pas complètement faux. Vous voyez, ces ambiguïtés de la diplomatie, c'est pas forcément de la diplomatie secrète, mais on joue sans arrêt, sauf que une diplomatie du 19e siècle, on peut jouer sur les mots. Aujourd'hui, on est quand même sur des aspects qui sont rendus publics et il y a une opinion publique. Et les opinions publiques se satisfassent assez mal de ces ambiguïtés de vocabulaire. Alors, nous avançons dans le temps puisque nous avons dit que nous parlions de ces 40 années de processus de paix. Nous sommes le 15 juillet 2000. À 16h15, heure de Paris, 10h15 aux États-Unis, s'est ouvert à Washington un nouveau sommet israélo-palestinien. Une nouvelle chance donc pour le processus de paix au Proche-Orient. La réunion doit durer 4 jours. Benjamin Netanyahou et Yasser Arafat participent à cette réunion aux côtés du président Clinton. Correspondance de Philippe Reltien. Avant de donner le feu vert aux discussions dans un cadre champêtre, une propriété bordée d'une rivière achetée à des Anglais par un des pères de l'indépendance américaine, Bill Clinton reçoit Netanyahou et Arafat dans le bureau ovale pendant 40 minutes pour leur rappeler ce que c'est qu'un compromis. Pendant les jours qui viennent, il s'agira de s'entendre sur les modalités d'application d'un retrait israélien de 13% de Cisjordanie. Il faudra faire des concessions, avertit Bill Clinton. Personne ne peut s'imaginer gagner à 100% sur tous les tableaux. Il y a énormément de travail devant nous et il y a toujours le risque que les ennemis de la paix s'interposent. Les 17 mois de surplace ont remis en cause les acquis d'Oslo. À vous, messieurs, de sortir de l'impasse. Interrogé sur les chances d'un accord, Netanyahou répond que ça dépend de la volonté palestinienne. Il ne faudrait pas que la place rétrocédée serve à préparer des attaques contre Israël. Arafat répond qu'il y a des extrémistes des deux côtés qui a tué Rabin. Les deux équipes de négociateurs vont habiter 3 ou 4 jours à la campagne, 2 villas séparées, avec une troisième pour Madeleine Albright et ses négociateurs. Bill Clinton fera des allers-retours. Washington, Philippe Reltien, France Inter. Alors nous sommes en 2000, ça sera l'échec de ces négociations et ça sera le début de la seconde intifada quelques mois plus tard, puisque c'est en septembre 2000 qu'elle se déclenche. Frédéric Chillot, effectivement, ces espoirs dont on a parlé tout à l'heure, qui date de 7 ans à ce moment-là, c'est-à-dire les espoirs de 1993 avec les accords d'Oslo, sont largement entamés à ce moment-là. Oui, et puis la seconde intifada, c'est vraiment une intifada très religieuse. Hein. Le fait religieux est au premier plan. C'est l'intifada de l'esplanade des mosquées, le mont du temple, comme l'appellent les Israéliens. Et donc, effectivement, il n'y a plus vraiment d'espoir. Et les paramètres, finalement, qui sont discutés à chaque fois, sont rejetés, sauf peut-être les paramètres Clinton, qui arrivent en décembre 2000, que Clinton présente en décembre 2000. Et là, ces paramètres vont finalement servir de base, jusqu'à aujourd'hui, à ce qui pourrait être un règlement de paix israélo-palestinien. Et ces paramètres ne sont pas vraiment dans l'esprit d'un État palestinien fort et indépendant comme on pouvait l'imaginer au début du conflit israélo-arabe en 1948, parce que c'est un État palestinien qui serait dépourvu de sa souveraineté politique, dépourvu de souveraineté militaire. Ce serait une Palestine démilitarisée. Il y aurait une présence militaire israélienne dans la vallée du Jourdain, sans doute une force internationale de supervision, Mais néanmoins, en décembre 2000, dans ces paramètres, Clinton avance quelque chose de tout à fait étonnant, c'est la division de Jérusalem. Et notamment, la souveraineté israélienne revenant sur les lieux saints importants, notamment le Kotel, le mur des Lamentations, et l'esplanade des mosquées revenant aux Palestiniens. Alors vous voyez, les paramètres Clinton jusqu'à aujourd'hui vraiment servent de base, sauf sur cette question de l'esplanade des mosquées, le mont du Temple, qui est aujourd'hui absolument qui semble impossible à régler. Oui, Jean-Claude Descure, tout de même, deux ans plus tard, il y a Yasser Arafat est bloqué dans la capitale provisoire qu'il s'est donnée, c'est-à-dire Ramallah, à quelques encablures de Jérusalem, par l'armée israélienne. Et effectivement, on se dit à ce moment-là, si Yasser Arafat, qui est celui qui a porté les espoirs de paix du côté palestinien, est lui-même mis à mal par l'armée israélienne, c'est assez difficile pour que ça puisse continuer. On est dans une situation... La deuxième intifada n'a rien à voir avec la première. Hein, ça a été dit, on passe à une intifada violente, on passe à une intifada infiltrée par des militants religieux, voire par des militants très proches du Fatah. Et du même coup, la responsabilité de Yasser Arafat est mise en cause assez rapidement parce qu'il ne... Il semble qu'il ne ramène pas ses troupes au calme. Et du même coup, pour mettre fin à cette intifada, les Israéliens décident d'intervenir dans la zone de souveraineté de l'entité palestinienne et de réoccuper les territoires. Donc ils vont rentrer à Jénine, ils vont rentrer à Ramallah, etc. Donc on est là dans un tournant manifeste avec cette réoccupation militaire temporaire, mais qui a pour but véritablement, d'une part, d'éliminer physiquement toute une série de militants proches de l'OLP ou des autres organisations, et de faire pression. Alors, on rentre également dans autre chose, c'est que c'est au moment de cette deuxième intifada qu'Israël va développer à l'intérieur des techniques d'élimination ciblée de responsables des organisations palestiniennes. Donc on a dans ces conflits là l'élimination des hommes. Bon, ça s'était déjà fait après les attentats de 72 par exemple à Munich où les responsables ont été éliminés par les services secrets israéliens. Mais là, à l'intérieur même du territoire, on a des éliminations tandis que les attentats se poursuivent. Anaïs Kien. Oui, Frédéric Chillot, malgré tout, au cours de ces années, s'est constituée une diplomatie du propre au processus de paix. Au moment où nous en sommes, avec Jean-Claude Lescure, on a la sensation d'une défaite complète de tous ceux qui œuvraient de manière même experte et professionnelle à l'application d'un processus de paix qui ne semble plus d'actualité à ce moment-là. Frédéric Chillot. Oui, le camp de la paix est vraiment défait. La mort, l'assassinat de Rabin a lui apporté un coup. On dit hein, que la mort de Rabin a finalement marqué le coup d'arrêt du processus de paix. Et c'est vrai qu'avec... C'est-à-dire qu'il était très isolé aussi, peut-être. Et oui, et avec le leadership israélien qui est ensuite aux manettes pendant ces années, évidemment, ils ne sont pas, et loin de là, favorables à un accord de paix avec les Palestiniens. Et... la droite israélienne aussi opère une mutation parce que elle aussi devient de plus en plus religieuse, elle aussi devient de plus en plus nationaliste. Et il y a un attachement tout à fait nouveau à la Cisjordanie, la Judée-Samarie, un attachement religieux qui est revendiqué comme tel. Et c'est pourquoi les questions comme par exemple Jérusalem, on le disait à l'instant, le Kotel, que le mur des Lamentations que Clinton donnait à Israël, mais l'esplanade des mosquées qu'il souhaitait donner aux Palestiniens, aujourd'hui c'est une question qui ne pourrait pas être réglée, parce que l'esplanade des mosquées, pour les sionistes religieux, c'est le mont du Temple, c'est le cœur du sionisme religieux. Donc aujourd'hui, effectivement, cela paraît absolument bloqué. Oui, et Jean-Claude Descure, on voit bien que ces années de piétinement, avec la mort ensuite de Yasser Arafat, avec un nouveau leadership, pourrait-on dire, pour l'autorité palestinienne, mais aussi des provocations d'un côté comme de l'autre, a vraiment mis à mal ce processus de paix pendant les 15 dernières années. Il y a un élément d'importance, c'est l'idée de nation ou de processus nationalitaire, de construction d'une nation palestinienne. Ce mouvement nationalitaire palestinien, il a toujours connu des tensions extrêmement fortes. Il y a un nationalisme arabe d'un côté, on l'a évoqué tout à l'heure avec Sadat et puis avant lui Nasser. On a une forme de nationalisme musulman, l'évocation de l'Oumma, d'un califat. Et puis à l'intérieur de ça, il y a le processus de création d'un mouvement nationalitaire palestinien. Or, l'un des gros travaux faits par l'OLP, notamment dans les camps de réfugiés en Cisjordanie et à l'extérieur, ça a été d'amener ces Palestiniens vers une conscience nationale véritablement affirmée par rapport aux autres. Et vers l'idée d'un État, État-nation, un petit peu à l'occidental, dans nos grilles de raisonnement. Or, et comme l'a dit Frédéric Chilot, on voit à partir des années 95-2000, l'irruption de la question religieuse, que ça soit du côté d'une minorité israélienne juive, et puis de l'autre côté, côté palestinien, un certain nombre d'entre eux qui vont se détacher de l'idée nationale pour revenir vers une idée d'une identité religieuse, d'où l'élément de contentieux extrêmement forte, des images du mur occidental, du Kotel, ou de l'esplanade des mosquées au mont du Temple de l'autre. Et là, les mots de vocabulaire encore sont complètement piégés en permanence, avec des représentations qui sont différentes, des jeux de référence historiques qui sont différentes, et du même coup qui bloquent aussi les phénomènes d'opinion publique, d'évolution de l'opinion publique, voire de négociation. Anaïs Kien. Oui, dans votre ouvrage qui vient de paraître, Jean-Claude Lescure, le conflit israélo-palestinien en 100 questions, qui est un bon outil d'ailleurs, Merci. qu'on peut lire et relire, mais il y a une dimension très intéressante, malgré cette guerre qui n'en finit pas, avec des moments de pics de violence et puis des moments de violence plus larvés ou en tout cas plus localisés, vous consacrez malgré tout deux occurrences à la question des musées. Aussi bien en Israël qu'en Palestine. Oui, on a dans le processus de construction nationalitaire, tous les États construisent une mémoire nationale. Et là, côté israélien, on a un certain nombre de musées qui sont intéressants. Alors, il y a Yad Vashem qui est connu et qui pose un vrai problème. Si vous allez le visiter, et j'y étais avec un étudiant d'origine marocaine, on visite le musée et à la sortie du musée, il me dit très intéressant. C'est étonnant, tous les cartels sont en français et en anglais. La deuxième langue officielle d'Israël, c'est l'arabe, il n'y a pas un cartel en arabe. Donc on voit bien, là, il y a un biais quand même un petit peu important. Et puis côté palestinien, il y a une construction depuis une dizaine d'années de trois musées à l'heure actuelle. Et il y a un musée à Ramallah, dans l'ancien bureau du président Arafat. Mais il y a un musée qui est tout à fait passionnant, qui est sur le site de l'université Al-Quds de Jérusalem. C'est un musée du martyr palestinien. Et ce musée du martyr palestinien, eh bien, il copie un petit peu la muséographie de Yad Vashem pour mettre en avant les violences, souffrances... Du peuple palestinien, et on le visite, c'est d'anciens détenus palestiniens qui vous font visiter. Alors pour l'historien, c'est assez génial, parce qu'ils ont en même temps conservé toute une série d'écrits de prison, de textes de prison, et vous avez une bibliothèque entière de textes de prison manuscrits qui sont là, donc qui seront à exploiter. Mais là, les enfants des écoles palestiniennes vont visiter ce genre de choses. Donc on rentre là dans une martyrologie palestinienne. Pour conclure, Frédéric Chilot, on a bien vu que s'instaurait d'abord un processus entre États, puis ensuite un processus entre l'autorité palestinienne qui n'était pas encore constituée et l'État d'Israël, puis ensuite une discussion entre une autorité palestinienne qui devait advenir comme un État à un moment donné, c'est-à-dire qu'on était dans un processus et que ce processus devait se continuer. Or, ce qui est très étrange, c'est que nous sommes dans une situation où maintenant, depuis plus de 20 ans, ce processus s'est interrompu, c'est-à-dire que cette autorité palestinienne qui était temporaire est devenue définitive momentanément, alors qu'elle aurait dû évoluer de façon très différente, Frédéric Chilot. Oui, alors c'est aussi le fait des Palestiniens, parce que effectivement, les leaders palestiniens souhaitent peu mener des élections démocratiques, disons. Et effectivement, Mahmoud Abbas est là depuis très longtemps. Il n'est pas prêt de céder le pouvoir. Et c'est un leader aujourd'hui qui est affaibli, qui est fatigué, extrêmement corrompu, qui n'est pas légitimé non plus dans son propre peuple. Donc effectivement, ça affaiblit le partenaire palestinien pour Israël. Mais vous savez que pour les Israéliens, une des grandes idées, c'est de dire que de toute façon, il n'y a pas de partenaire pour la paix. Alors soit en invoquant la faiblesse politique de ce partenaire palestinien, soit en invoquant les violences qu'il mène ou qu'il laisse faire de temps à autre. Donc effectivement, aujourd'hui, la situation est bloquée et curieusement, on en revient à une solution à travers des grands États, puisqu'en fait, aujourd'hui, on assiste à la reprise de l'initiative de paix arabe, du moins c'est ce que les États-Unis souhaiteraient faire, et c'est ce qu'Israël aussi souhaiterait à travers, en fait, un dialogue avec les grands États sunnites, Arabie Saoudite, l'Égypte et d'autres. C'est-à-dire, on en revient à un processus israélo-arabe qui chapeauterait peut-être un dialogue israélo-palestinien si les Palestiniens ne sont pas complètement finalement mis de côté. Hein. Jean-Claude Lescure, pour conclure. On a, à partir de 2003, un projet de paix proposé par l'Arabie Saoudite. La nouvelle génération, incarnée par Ben Salman, l'a remis sur la table. On ne sait pas exactement où ça en est à l'heure actuelle. Et puis, on va avoir un changement de génération aussi chez les Palestiniens. Mahmoud Abbas a 84 ans, il était hospitalisé il y a quelques jours. Donc, il va y avoir un renouvellement. La question, c'est, il n'y a pas de leadership clair qui apparaît. Il a tout fait pour ne pas avoir de successeur véritablement désigné. Donc, c'est les grands temps de l'inquiétude de ce moment de transition qui nous sont chers en histoire. Mais lorsqu'on est dans de l'actualité politique, on a quelques sujets pour être inquiet. Merci beaucoup. Merci donc à vous, Frédéric Chillot, depuis Jérusalem. Donc, vous êtes historienne spécialiste, entre autres, des relations entre la France et Israël. Et vous participez à la rentrée, un livre collectif dans la collection Bouquins chez Robert Laffont, consacré à la ville de Jérusalem. Nous avions dans la première partie de cette émission Denis Charby, qui est auteur, entre autres, de Israël et ses paradoxes aux éditions du Cavalier Bleu. Et Anaïs Kien a dit tout le bien qu'on pouvait penser, effectivement, du livre de Jean-Claude Lescure, Le conflit israélo-palestinien en 100 questions, paru chez Talendier. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marseille. Pierrick Monsigny était avec nous à la technique et Thomas Duterre à la réalisation. Demain, nous nous retrouvons à Toulouse pour la grande manifestation qui s'intitule « L'histoire à venir ». Nous serons donc en direct depuis les studios de Radio France, de France Bleu à Toulouse. Et ça n'est pas public malheureusement, mais nous nous retrouverons évidemment sur cette manifestation très importante dont c'est la deuxième édition. Donc, D'un grand marathon pour nous, Emmanuel. Exactement, et dont le thème est consacré à humain, non humain.